Tikali polele masia bokosia sefi lilika etikali polele masia bokosia sefi yeso wo Kokufa ya Yesu, yezalaki ya pambate. Kokufa na ye, yezalaki na droit misho wewo, misho ya liboso. Masia nanga kufaki, pona kokende kozwa bandimi na ye. bakufa kikati na ye wo wo wo ya ya ye yeso wo ye yeso wo misola mi bale oyo masia kufelagi masia nanga kufagi pona koboto la fongola ya séjour de mort oyo satana simbaki yeso wo yeso wo wo hata soki nyayo yo nakufi nakobundise likate po masia kolo yeso masia sekwi miso ya misatu oyo masia kufelaki masia nanga kufagi pona koboto la kondanasio oyo bakondanaki yeso wo wo yeso wo teko kobanga te kobanga te mokonzi ya sekwi oyo nyonso ekufaki yesekwi oyo nyonso elalaki elambuki bae nyonso bakufaki bango mpe base ndeko kobanga te kobanga te mokonzi ya sekwi oyo nyonso ekufaki yesekwi oyo nyonso elalaki elambuki bae nyonso bakufaki bango mpe basekwi Tombwama Yeso tombwama Ya Yesu tombwame tombwama Su tombwame tombwama Ya Yesu tombwame tombwama Yeso tombwame Oh ya Yesu tombwame tombwama Ya Yesu tombwame Yeso Ya Yesu tombwame Yeso Posa na posa Oh tombwama na vina biso Yeso Ya Yesu tombwame Ya Yesu tombwame tombwama Yesu tombwama Allez bouger Jésus en Dieu à Yesu Allez allez allez bouger allez bouger allez bouger allez Jésus allez Jésus allez Jésus Oh Ya Yesu tombwame tombwama tombwama Ya Yesu tombwame tombwama Yesu tombwame tombwame na vina biso Yesu papa tolingi Yesu tombwama na vina biso Yesu papa ya Yesu tombwame soki o tombwama na vina biso toko kende liboso Yesu toko kende liboso Yesu shikia kufa kwa Yesu Mabadiriko kwetu Nishanyuma kwetu Orke Yesu alifufuka siku ya tatu Joshi tubadirike Joshi tokelewe baba Kama ulikuya mukifungo mama Utatoka mukifungo Kupitia Yesu Oh ya Yesu tokwame Ya Yesu tokwame Ya Yesu tokwame tokwama Yesu allez bouger allez bouger allez bouger allez bouger allez bouger allez bouger c'est ma Yesu c'est ma Yesu c'est ma Yesu pika kikele kele oh oh oh oh oh Yesu allez allez bouger allez bouger allez bouger allez bouger allez bouger allez bouger allez bouger allez bouger Wololo wololo hey wololo hey yo yo yo wololo wololo hey wololo Chesa, allez chess, allez chess, allez chess, allez chess, allez chess, chesa Yesu, allez chess, allez chess, allez bino, allez bino, allez bino, allez bino, allez bino, allez bino. Aïe, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge. Nous pouvons célébrer encore une fois le Seigneur. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Akuna muntu eko na raison ya sipo kumusifu Mungu. Shibote tuku na raison ya kumusifu nayo Mungu. Alléluia. Comme Colossiens le dit, il a effacé les ordonnances. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Pendant ce temps, nous invitons la chorale des mamans pour célébrer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons les encourager? Elles sont bien habillées. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore encourager les mamans pour qu'elles puissent arriver à faire mieux? Nos mamans qui sont toutes belles et bien habillées. Alléluia. Amen. Alors, je reprends la lecture calmement pour la bonne compréhension de tous. Lorsque le sabbat fut passé, il y a eu trois femmes. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Trois femmes. Pendant ce temps, nous tous les hommes, enfermés, peureux. Alléluia. Alléluia. 90% des cas, les femmes sont plus courageuses que les hommes. Dieu a fait les choses comme ça. Kama mwija na kwa mangaribi kunyumba, wala mamba na kwa kunyumba, les femmes, généralement, se mettent là. Nous, les hommes, nous sommes dans le plafond, si pas sous le lit. Elle nous aime tellement, elle dit que non, oui, foutiama, minishan et nabo. Alléluia. Donc vous comprenez, parfois certaines de nos réactions ne sont pas correctes dans l'église. Je ferme la parenthèse. Elles achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les hommes n'ont même pas pensé à les apôtres, les disciples. Ils n'ont même pas pensé à acheter ça pour leur maître. Mais les trois femmes ont acheté. Pour aller voir Jésus-Christ. Pour aller prendre soin de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a un principe important ici. Et qu'il faut que chacun de nous retienne dans la vie. Tu dois te préparer à prendre soin de ta bénédiction quand elle viendra. Beaucoup de gens ne sont pas encore bénis parce que Dieu ne les trouve pas prêts pour recevoir la bénédiction prévue. Jésus, c'était toute la richesse. Mais ces trois femmes se sont préparées pour aller prendre soin de leur richesse. Frères et sœurs, prépare-toi pour la bénédiction qui doit arriver. Tu dois savoir te préparer. Dieu ne donne pas la bénédiction à quelqu'un qui va la gaspiller. La bénédiction de l'Éternel enrichit, n'appauvrit pas, elle enrichit. Tu dois te préparer. Tu dois savoir aussi prendre soin de ta bénédiction. Il y a des gens que tu as bénis dans le ministère. Ils ne prennent pas soin de leur voix. Ils mangent les piments et les arachides comme nous. Il y a des qui ont été bénis comme docteur, ils n'ont pas le temps de lire. Il y a des côtés bénis comme chauffeur qui abîme leurs jambes. Comme joueur, il est blessé tout le temps. Tu ne sais pas prendre soin de ta bénédiction. Oh frères et sœurs, sache dans la vie, pour réussir, tu dois savoir prendre soin de ta bénédiction. Dieu t'a donné un corps. Ton corps, comme une bénédiction, tu ne te laves pas. Tu as des beaux cheveux. Tu ne... Le visage, c'est ça. Pédicure, c'est quoi? Pédicure, c'est pied. Manicure, c'est main. Visage, c'est visage quoi? Hein? Soin de visage. Et cheveux? Soin de cheveux. Donc, il y a des gens, Dieu t'a béni avec des beaux cheveux. Tu ne prends pas soin de ta bénédiction. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu t'a béni avec un bon mariage. Tu ne prends pas soin de ton mariage. Dieu t'a béni avec une bonne maison. Quand on doit aller à avant la compoie. Non. Nous devons savoir prendre soin des grâces et des bénédictions que Dieu nous donne. Alléluia. Deuxième verset. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Oh, j'aime ça. Je donne quelques principes avant de donner le thème et puis nous prions. Et se rendre au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Pendant le grand matin, tout le monde dort. Il fait noir. Même les apôtres dorment. Bien-aimés, dans la vie, pour avoir certaines choses, il faut être parmi les premiers. Ça signifie que dans la vie, pour avoir certaines choses, il faut savoir prendre des initiatives. Et n'ont pas attendu l'autorisation de Pierre. Et n'ont pas attendu l'autorisation du collège des anciens. Bien-aimés, je le dis toujours, dans l'église, il y a le travail pour tout le monde. Il y a des gens pour le travail, il faut que le pasteur te pousse. Tu es enfant de la maison, même pour enlever l'assiette sur la table, il faut que maman te bouscule. Dans la vie, les gens qui réussissent sont les gens qui savent prendre des initiatives dans leur domaine, là où ils sont, partout. Ces trois femmes font preuve des femmes qui prennent des initiatives. Frères et sœurs, prends des initiatives dans ta vie. Ces trois femmes, autre chose, font preuve. Des gens qui bravent la peur. Il fait encore noir. Mais elles s'élèvent pour partir. Trois femmes au milieu du noir. Elles prennent un risque. Si tu ne risques pas dans ta vie, tu n'auras rien. Même si tu pries du matin au soir, la vie appartient aux gens qui risquent. Alléluia. La vie appartient aux gens qui risquent. Risque dans tes affaires. Tu as un peu d'argent, tu risques en faisant des affaires. Bon, si tu n'utilises pas, tu vas manger l'argent. L'argent va se terminer. Si je fais des affaires, ça peut ne pas marcher. L'argent va aussi se terminer. Mais ça peut aussi marcher. L'argent va produire. Donc je prends le risque du bon côté. Je dis au moins je fais quelque chose. Dans la vie, il faut savoir prendre le risque. Bien-aimé, la terre ici, on l'abandonnera. On la laissera. Ne laisseront les traces que les gens, pendant leur vie, ont pris des risques. Vous savez pourquoi les gens ne prennent pas les risques? C'est qu'ils aiment les zones de confort. Les zones de confort. Non. Tout bien. Tu as dit tout à l'heure, c'est moi, tout pour mon nez, ton gaz et nous. Ah, tu n'as pas qu'il. Non, tout bien. Il m'a coûté un peu de banque. Frères et sœurs, je ne suis pas contre les banques. Mais l'argent n'est pas fait pour rester à la banque. Alléluia. Je ne suis pas contre les banques. Vous pouvez mettre. Mais l'argent n'est pas fait pour rester à la banque. Les gens ont étudié l'économie. Vous laissez l'argent à la banque. À la fin de l'année, la banque vous donne 5% d'intérêt, 10%. Prenons même 10%. Au meilleur cas. Donc si tu as laissé $500, à la fin de l'année, la banque t'ajoute $50. Et tu viens, il te donne $550, c'est ça? Vous pensez que si j'ai $500, Janvier, mina paluambo, mina rudia. Février, décembre. Mina pata bénéfice à 50 dollars. Non. C'est-à-dire, j'aurai plus. Vous comprenez un peu, c'est un raisonnement simple mathématique. Prenez le risque dans la vie pour investir, pour travailler. Prenez le risque. Mais c'est difficile parce que nous sommes habitués surtout Mukatanga. C'est une mauvaise province. Hein? Le Katanga, le Lualaba. Je le dis toujours, nos provinces ont des problèmes. Nos études, c'est polytechnique, médecine, etc. Quand tu termines, on est dans le monde où je ramène. Koukadel, Kousnel, Koucc, et tu as le salaire à la fin du mois. La Bible dit que quelqu'un qui vit de son salaire ne peut pas s'enrichir. Alléluia. Alléluia. Il faut. Ces provinces ne nous aident pas à faire des affaires. Mais ça nous aide à être des très bons travailleurs. 7h30. 17h. Qu'est-ce que tu as à 7h30? 20h. 7h30. 20h. Pendant 60 ans. Non. Nous enseignons ces choses pour que nous comprenions que, en fait, la parole de Dieu a de la richesse et que ça doit nous aider à avancer dans notre vie. Alors, le verset 3 et 4, nous donnons le thème et nous prions. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre était très grande et la pierre qui était très grande avait été roulée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, gloire au Seigneur. Le thème de ce matin, ce jour de Pâques, qui nous roulera la pierre? Alléluia. Dis à ton voisin, qui nous roulera la pierre? Qui te roulera la pierre? Pose-lui la question. Qui te roulera la pierre? Oh bien-aimé, à l'entrée du sépulcre, il y avait une grande pierre que les hommes avaient placée. Et les militaires qui gardaient cette pierre, il y a beaucoup de vie où le diable a placé de grosses pierres pour que tu n'aies pas accès à ta bénédiction. Tu te poses des questions. Qui me roulera la pierre? Qui permettra que je puisse avoir accès à ma bénédiction, que je puisse avoir accès à ce que Dieu a préparé pour moi? Ce matin, beaucoup de gens, dans leur vie, ils marchent avec des questions. Qui me roulera la pierre? Qui permettra que cette porte s'ouvre pour que je puisse entrer? Ce matin, gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu trouveras la pierre qui était très grande, déjà roulée. Oh, je l'ai dit, je déclare, toute pierre que l'ennemi a placée à l'entrée de ta bénédiction, à l'entrée de ta maison, ce matin, elle sera roulée au nom de Jésus. Toute pierre que l'ennemi a placée dans tes affaires, ce matin, elle sera roulée au nom de Jésus. Qui me roulera la pierre? Oh bien-aimé, la pierre bloquait l'accès à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de pierres que les hommes ont placées dans ta vie pour bloquer ton accès à certaines grâces. Il y a beaucoup de pierres que les hommes ont placées dans ton foyer, dans ta maison, dans tes affaires pour bloquer l'accès. Mais je les déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, que toutes les pierres que les hommes ont placées soient roulées au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la Pâque. C'est le jour où Dieu a décidé de rouler la pierre. C'est fini. Plus rien ne bloquera l'accès à ta bénédiction. Plus rien ne bloquera l'accès à ta guérison, quel que soit ce que l'ennemi a fait pour bloquer le chemin. Mais la pierre est déroulée. Alléluia. Cette pierre qui était très grande. Vous savez, il y a de grandes barrières. Il y a de grands blocages que les hommes placent dans la vie d'autres hommes. Pourquoi elle s'est posée cette question? Les femmes avaient une seule référence. Le jour où Lazare devait être ressuscité, Jésus a dit, ôtez la pierre. Il a demandé aux hommes d'enlever la pierre au tombeau de Lazare. Pour ces femmes, chaque fois qu'il y aura blocage devant le tombeau, devant certaines situations, il faut qu'il y ait des hommes qui viennent pour enlever ces pierres. Mais ils ont oublié qu'avec la résurrection, c'est fini avec les hommes. C'est fini avec les hommes. C'est fini avec les hommes. C'est fini avec les hommes. Dieu est seul. Dieu est seul. Dieu est seul. Dieu est seul. Aujourd'hui, il a décidé. Dieu seul. Il a décidé de rouler lui-même la pierre. De rouler la pierre. Dieu seul a décidé. Dérouler la pierre qui bloque l'accès à ta vie. Alléluia. Il a fait ça pour les femmes. C'est pourquoi elles se sont posées la question, qui nous roulera la pierre? C'est rouler la pierre pour elles. Ce n'était pas rouler la pierre pour Jésus. Jésus n'est pas sorti par l'endroit où on l'a mis, par la porte où on l'a mis. Quand Jésus est ressuscité, Il sortait partout. Il entrait partout. Quand les portes étaient fermées, Jésus est entré. Il a trouvé ses disciples. Il leur a dit que la paix soit avec vous. Jésus n'avait pas besoin de sortir par la porte du sépulcre. Donc cette pierre était valable pour les femmes. Bien-aimés, l'ennemi sait que les pierres, que les blocages, que les portes, c'est pour nous. C'est pourquoi Dieu fera un miracle aujourd'hui dans plusieurs vies. Dérouler la pierre, dérouler les blocages, dérouler les difficultés au nom de Jésus. Alléluia. Oh, la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Quand la pierre est roulée, elle est roulée sur quelque chose. Oh, la pierre que les hommes ont placée contre ta bénédiction sera roulée aujourd'hui. Elle sera roulée. Il y a des gens, même dans leur ministère, même dans leurs affaires, ils peuvent tout faire. Mais quand il arrive au moment de toucher maintenant la bénédiction, une grosse pierre est placée. Et plus encore, la pierre n'était pas seule. Il y avait même des militaires. Quand on dit militaire, c'est qu'il a les armes prêts à tirer sur celui qui va rouler la pierre. Donc l'ennemi a créé un système. Il bloque ta vie. Il met des esprits pour tuer tous ceux qui vont vouloir t'aider. Aujourd'hui, avec la Pâque, tu n'as pas besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin de militaires. Avec la Pâque aujourd'hui, Dieu seul. Oh frères et sœurs, ma prière, que Dieu seul s'occupe de tes portes. Que Dieu seul s'occupe des pierres qui sont placées sur ta vie. Je les déclare, aujourd'hui, c'est le jour où les pierres seront roulées sur nos bénédictions, sur nos maladies, sur nos maisons, sur nos ministères, sur nos élévations, sur nos promotions. Les pierres que les hommes ont placées seront roulées au nom de Jésus. Elles ont cherché un homme. Elles ont demandé qui? Parce que la référence, frère, tu as des références avec les hommes. Tout ce que tu as dans ta vie, c'est ce que les hommes ont fait hier. Tout ce que tu as dans ta vie, c'est ce que les oncles ont fait. Tout ce que tu as dans ta vie, c'est ce que tu vois tel faire. Et quand tu dis, non, ni bande. Tu penses que ça va marcher selon ce que tu as déjà vu des hommes. Quand tu as envie, bagnoué, tu penses que tu seras marié selon un schéma humain. Non, bien-aimé, je le déclare aujourd'hui. Ces trois femmes étaient surprises qu'avec la Pâque, Dieu avait un autre schéma. Il n'avait plus le schéma des hommes. Il n'avait plus le schéma des hommes. C'était le schéma de l'Éternel. Je déclare à quelqu'un, le temps est arrivé sur le schéma de Dieu. Sur le schéma de Dieu. Sur le principe de Dieu. Les hommes n'ont rien à faire. Les hommes n'ont rien à faire dans ta vie, dans ta maison. Les hommes n'ont rien à faire. Dieu lui-même, il a décidé, il te prendra en charge. Dieu lui-même, les hommes n'ont rien à faire. Oh bien-aimé, tu es malade aujourd'hui. Les hommes n'ont rien à faire. Ils ont bloqué ta vie. Les hommes n'ont rien à faire. Ils t'ont bloqué. Les hommes n'ont rien à faire. Ils ont bloqué mes enfants. Les hommes n'ont rien à faire. Dieu lui-même, au nom de Jésus, aujourd'hui, avec la Pâque, il va rouler la pierre qui sont placées sur nos vies. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a placé la pierre. Quand Jésus est mort, les hommes ont convenu de placer une grosse pierre. Il y a des gens ici, les hommes ont convenu de placer de grosses pierres. Endashita Rudiak, Ibaraka Kashita Yonak, Minazik, bien-aimé, Atabarizik, il est boulongo barouka yulu akaburi, Asubuya Leo, Aina wote Ichimbula, Aina wote Ichimbula, Yesu, Yesu, Yesu, va le faire lui-même, au nom de Jésus, oh Rabasak, et ce qui est merveilleux, quand la pierre a été roulée, l'ange s'est assis dessus. Comme pour dire, les hommes ne vont plus revenir pour fermer encore les sépulcres. Bien-aimé, ce que Dieu fait, c'est que lui que Dieu a béni, l'homme ne peut plus le maudire. Non, jamais. Balaam a dit à Balak, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Celui qui l'a béni est béni. Tu ne peux pas maudire. L'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination. Dieu a béni, il a béni. Tu ne peux pas maudire. Dieu a enlevé le blocage. Ce matin, tous les blocages que Dieu va enlever, les hommes ne peuvent plus les remettre parce que l'ange de l'Éternel va s'asseoir sur le blocage des hommes pour contrôler qu'aucun autre homme ne vienne plus répéter les anciens problèmes. Je déclare dans ta vie, aucun homme ne reviendra dans ta vie pour te perturber. Parce qu'avec la résurrection, ton Dieu a roulé la pierre. Il a roulé la pierre. Aucun homme ne va rentrer dans ta vie. Aucun homme ne va rentrer sur tes enfants pour dire, je vais encore les remaudire, je vais encore les bloquer. Jamais, never, c'est fini. Dieu a béni, il a béni. Oh, alléluia. Et où étaient les militaires? Oh, bien-aimé, à un moment donné dans la vie, ne t'occupe pas des militaires, ne t'occupe pas des esprits méchants, ne t'occupe pas des gardes que les hommes ont placés. Dieu s'en occupera. Dieu s'en occupera. Ces militaires-là, en fait, en réalité, pour les hommes, c'était pour garder la pierre. C'était pour garder la pierre, pour qu'on n'enlève pas la pierre. Mais pour Dieu, les militaires devaient être là pour qu'ils soient les premiers témoins de la bénédiction. Tes ennemis seront tes premiers témoins. Les militaires étaient les premiers témoins. Ils ont dit, avec notre arme, on ne pouvait pas arrêter la résurrection. Les armes des hommes ne peuvent pas arrêter la résurrection. Les armes des hommes ne peuvent pas arrêter Jésus ressuscité. Oh bien-aimé, quand il est ressuscité, les militaires ne pouvaient pas l'arrêter, mais ils pouvaient témoigner que réellement, Monsieur Pilate, cet homme est ressuscité. Nous sommes des témoins. On l'a vu. On ne pouvait pas le retenir. Frères et sœurs, on te verra. On ne peut plus te retenir parce que Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. qui nous roulera la pierre. Loin de l'entrée du sépulcre. Je déclare ce matin que toutes les pierres des hommes soient roulées loin de ta vie, loin de ta maison, loin de tes affaires, loin de ta grâce, loin de tes enfants, loin de ton mariage, loin de l'église, loin de ce pays. Roulez très loin, très loin, très loin, très loin. Que l'Esprit de Dieu, ce soir, commence à faire rouler les pierres. Loin, très loin, très loin, très loin. Commence à prier. Les pierres vont être roulées très loin, très loin, très loin, très loin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les blocages que les hommes ont placés dans nos vies, ce matin, tu les roules très loin de nos vies. Tous les blocages que les hommes ont placés, oh, très loin, tu les roules. Oh, rababa, oh, rababa, oh, il est puissant. Il est puissant pour renverser les pierres. Il est puissant pour rouler les pierres. Il est puissant. Il est puissant. Wabukomo Ponso. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Oh, il est puissant. Ce matin, il est puissant. Il est puissant. Quelles que soient les pierres que les hommes ont placées sur ta vie. Quelles que soient les pierres que les hommes ont placées. Il est là. Puissant, il a la capacité ce matin de les rouler. Je déclare que les pierres de la stérilité sont roulées, que les pierres de la maladie sont roulées, que les pierres de l'opprobre sont roulées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh bien-aimé, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps des hommes, c'est le temps de Dieu. C'est Dieu qui va s'en occuper. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Oh, ce matin, la pierre a été roulée. Roulée. Toutes les pierres dans ta vie seront roulées. Roulées. Plus rien ne va bloquer tes accès. C'est fini. Plus rien. Oh, lève-toi ce matin. Prends les risques dans ta vie. Lève-toi ce matin, prends des initiatives. Lève-toi ce matin, prends des initiatives. Au nom de Jésus, prends des initiatives dans ta vie. Il est vivant, il est capable à lui tout seul de rouler les pierres. Il est capable à lui tout seul de changer les situations. Ta vie. Oui, la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. On a vu ça. Toute l'église, nous sommes en prière. On laisse seulement les instrumentistes jouer. Bien-aimés, ma prière ce matin, est-ce qu'on peut se mettre debout pour quelques moments? On peut se lever pour quelques moments. Tu vas commencer à déclarer dans ta vie que toutes les pierres qui ont bloqué ta vie, qui ont bloqué les accès à ta vie, telles que Jésus est ressuscité, les pierres ont été roulées. Que ces pierres soient roulées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Élève-toi, va commencer à prier. Commence à prier. Oh bien-aimé, je voudrais t'encourager ce matin. Avant la résurrection, ces femmes avaient vu un miracle où il y avait une part de l'homme qui a enlevé la pierre et Lazare est sorti. Mais avec la résurrection, Dieu a changé de méthode. Il a pris lui-même en charge tout. Oh bien-aimé, aujourd'hui c'est la Pâque. En fait, c'est une nouvelle vie qui doit commencer. Elle ne peut pas commencer aussi longtemps que la pierre sera à tes portes. Quelle est la pierre que on a placée sur ta vie? Avance seulement. Elles avaient des questions comme toi. C'est Dieu qui s'est occupé de rouler la pierre sur leur bénédiction. Et ce miracle a été fait le premier jour. Jésus pouvait, il était puissant, il pouvait ressusciter mardi, mercredi. On se demande pas pourquoi il a choisi de ressusciter le premier jour. Le premier jour. Pour que le reste de tes jours connaissent la puissance de ta résurrection. C'est un jour merveilleux aujourd'hui. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Est-ce qu'on peut nous chanter Lilita Itikali Polele? La tombe, le tombeau est resté vide. La pierre a été roulée pour les femmes, pour les hommes. Jésus n'est pas sorti par cette porte. C'était seulement une preuve. Alors pendant que nous chantons ce cantique, que Dieu donne une preuve, te donne à toi. Il est déjà ressuscité, mais ma prière aujourd'hui, que Dieu donne une preuve qu'il est réellement ressuscité. Tout ce qui était mort dans ta vie, à déclarer ces choses dans ta vie. tu peux remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait ce jour-là. Et aujourd'hui, par sa résurrection, nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a plus rien qui peut bloquer nos vies. Oh, commence à remercier le Seigneur. Remercie le bien-aimé par ce qu'il a fait ce jour-là. Par ce qu'il a fait ce jour-là. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Dans cette étude de prière, tu prends ton offrande du Seigneur aujourd'hui avec ce que je vais faire. Que toutes les pierres qui sont placées sur ma vie, même ce que moi-même j'ai placé, ces pierres, ça peut être des paroles que toi-même tu as prononcées sur ta vie. Ça peut être des paroles que les hommes ont prononcées. Ça peut être des choses que l'ennemi a prononcées. Ces pierres doivent être roulées. Alors nous voulons le faire dans une attitude de louange. Mais nous allons d'abord prier. Tu pries pour ce que tu vas faire. Et que le Seigneur puisse faire grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ses sacrifices, ses vœux et ses offrandes. Aujourd'hui, c'est la Pâque, la résurrection. Rien ne bloquera nos vies. Tout ce que l'ennemi a placé pour bloquer même un tout petit domaine de ma vie, que ça soit roulé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment louer le Seigneur pour la Pâque pendant que nous donnons les offrandes? Papa Nanga, qui t'en salle, Colombana. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment de communiquer. Pendant ce temps, nous demandons à ceux-là qui sont arrivés à l'église sous féconde pour leur première fois, kama ni mara yenu ya kwanza kuingia ndani ya église yetu ya sous féconde, mnaweza juste kumanifester mkono fazi mnakuya tupate kumisalimia munyumba ya baba yetu. Qui sont là pour la première fois? Il y a un frère là derrière, nous pouvons l'acclamer. Il y a un frère aussi ici devant, il y a un autre. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Vous pouvez vous lever? Question pour nous de vous saluer. Est-ce qu'on peut les acclamer et les saluer dans le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons les saluer? Maintenant les acclamer et les saluer pendant qu'ils sont en train de s'asseoir. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Après le culte Mushkwe Araka Yakutoka, vous pouvez juste vous avancer ici devant. Kutakwa Banduku Bale, Batasungomuza Nanmweye. Amen, amen. Nous donnons les communiqués de la semaine. Demain lundi à partir de 16h30, nous avons rencontre de nos secteurs. Le secteur tant SNCC et UCS, ils vont se rencontrer ici à l'église. Secteur il y a SNCC na UCS, tutaungama apapetu pakanisa kesho à partir il y a 16h30 jusqu'à 18h30. Secteur il y a quartier mission 1. Tout à coup, il y a quoi? Papa Eric et Maman Fifi. Secteur, quartier mission 2, nous serons quoi? Papa Jules Achitourou. Amen, amen. Tout à coup, il y a Kama, Kilamuntu, Anashikia, communiqué, il y a secteur Yake. Il y a Kati, tout à Itabanduku, Balebekona. Commémorer Kuzali Wakwabo anniversaire, nous invitons la sœur Estrella Odia. Nous pouvons l'acclamer, l'encourager. invitons aussi. Nous invitons aussi la sœur Émilie Kamouni qui fête aussi son anniversaire. Est-ce qu'elle est là? Elle peut s'avancer. Émilie, sœur Émilie. Nous invitons le frère Yada Matakana. C'est une sœur. Sœur Yada Matakana qui fête aussi son anniversaire. Elle peut s'avancer. Nous l'encourageons aussi. Nous l'acclamons si elle est là. Vous pouvez vous avancer pour profiter de la prière. Papa, joyeux anniversaire. Mouna fête anniversaire le jour de Pâques. C'est un jour de joie. Vous pouvez vous avancer. Nous les acclamons pendant que nous invitons papa pour la prière. Même ma fille de la technique, elle a d'abord laissé que Dieu bon anniversaire. Ça va, nous allons prier pour nos frères et sœurs. Que Dieu puisse les bénir et bénir leur année. Que plus rien ne bloque leur vie. La Pâque de cette année, c'est la Pâque d'ouverture de tous les accès à nos bénédictions. Seigneur, merci pour l'anniversaire de nos frères et sœurs. Je les bénis ce matin au nom de Jésus. Que leur vie soit bénie, qu'il ne manque de rien. Je bénis la suite des années, Seigneur. Qu'aucune année ne soit arrachée. Comme nous l'avons vu, nous refusons les morts prématurées et nous prions que ta grâce soit sur tes serviteurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Action de grâce. Le couple Lukusa, Maman Béa et son mari remercient Dieu pour la guérison de Papa Lukusa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Que Dieu soit béni. Papa était vraiment malade et Dieu a fait grâce. Que Dieu vous bénisse. Quand je l'ai vu hier, je bénis le Seigneur pour cela. Papa Kayombo remercie aussi Dieu qu'il a sauvé d'un accident. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Un instant. Prenez un peu le micro, juste une minute. Alléluia, Église. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous prions que Dieu protège tous ceux qui font des affaires pour leur vie, tous ceux qui prennent la route, qui voyagent à gauche, à droite, que Dieu les protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Naissance. Maman Jolie de Chitourou a donné naissance à l'hôpital Shekina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Nécrologie, évidemment, hier nous étions là. Maman Lorraine a perdu sa maman, la femme du frère Olivier. Sa maman est morte hier à Kolwezi. Ils ont eu la nouvelle hier et ce matin, ils sont partis. Là, j'ai vu le message. Elle m'a écrit qu'ils sont bien arrivés. Donc, le 2 est à Kolwezi. Ils n'ont pas encore précisé le jour de l'enterrement. Appelez-la, encouragez-la. Pour que Dieu puisse la consoler. Alléluia. Amen. J'aimerais prier pour les gens qui ont fait quelque chose cette semaine, qui ont donné quelque chose à quelqu'un. Est-ce qu'ils sont là dans la salle? Levez seulement la main là où vous êtes. Jésus féconde. Je regarde à la chorale. Madame, si c'est mademoiselle, c'est madame. Kamandada. Seigneur, merci. Buona accent. Tu es fidèle. Mouamini. Tu honores ta parole. Je prie na omba pour ces bien-aimés. Ce qu'ils ont fait chez les autres, fait dans leur vie. Ouvre les écluses et ramène les richesses des nations vers eux. Qui ne manque de rien. Qui témoigne ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. De toute façon, ce n'est pas encore perdu. Ce n'est pas perdu. Faire du bien, il faut toujours faire du bien. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Vous pouvez rendre visite à quelqu'un, vous lui faites du bien. Je vais commencer à faire certains exercices dans l'église. Dans l'église, il y aura plusieurs exercices. Je veux que tous les gens nous participions à certaines bénédictions. Donc, je vais donner un travail à l'éducation chrétienne. Non, non. Je vais donner un travail à toutes les mamans. Je donne un travail d'abord à toutes les mamans. Et après, je vais donner un travail à tous les papas. Donc, toutes les mamans, je vous donne un travail. Le 1er mai. C'est férié. Au nom de l'église, nous allons vous envoyer à Kapolo Émission pour faire du bien aux lépreux. Le froid commence. Vous organisez un peu de couverture, un peu de nourriture, et pour que le 1er mai, un bus, au nom de l'église, vous allez à la léproserie de Kapoloé mission. Faites du bien à ces lépreux-là. Les mamans, est-ce que vous êtes avec moi? Les mamans, lèvez un peu la main. Donc, le comité des mamans m'aide à régler, à suivre cela. Je ne connais pas, le premier c'était un jeudi, je pense. C'était un jeudi. C'est un jeudi. Mukazine. À ce moment-là, il y a un bus. Vous transformez ça en pique-nique comme vous voulez. Mais vous priez pour les lépreux. Vous leur donnez des couvertures, de la nourriture. Commencez de, si vous avez quelque chose, venez déposer à mon bureau. Et l'église, si Dieu vous touche aussi, venez déposer, même si même les papas, mais ce sont les mamans qui vont partir amener le don de l'église. Ils sont autour de 30. C'est ça, Talassine. Hey, voilà. Ils sont autour de 30. Mais il est vrai qu'il y a aussi des gens qui les aident, qui leur amènent de l'eau, qui leur amènent de bois pour se chauffer. Donc finalement, on doit imaginer un nombre un peu plus grand. Beaucoup de gens n'ont jamais vu les lépreux. C'est une occasion. Nous, quand on était à l'internat, c'était ça l'obligation d'aller, de couper le bois en brousse pour aller donner à mes frères. Ça, qui ont les extrémités des membres qui coupaient, les extrémités des doigts, les extrémités des jambes qui ont voilà, des problèmes. Et nous pouvons leur faire du bien aussi. Au nom de notre Dieu que nous servons. Donc le comité des mamans, vous organisez. C'est-à-dire, organiser, c'est la logistique. Mais les contributions, venez me voir pour déposer les contributions pour que ça puisse aller vite. Alléluia. J'invite l'équipe de construction de l'église. Elle peut passer devant l'équipe de construction. Jacques, Guy, Maman, Chouchou, Michou plutôt, Maman Albertine, tous les gens de l'équipe là peuvent passer devant. Président, il est où? Président Richard. Frère Doudou, effectivement. Passez devant. Frère Pacifique. Dogo Pacifique. Passez devant. Ok, je les ai appelés aujourd'hui. Je vais prier pour eux. Pour que nous puissions commencer ou reprendre les travaux à Jolicite. À partir de demain, vous allez vous réunir pour reprendre les travaux. J'ai eu la contribution de l'éducation chrétienne, que Dieu les bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'éducation chrétienne, pour les blocs de briques de... La JPC aussi, est-ce qu'on peut acclamer pour la JPC? Les mamans de l'éducation chrétienne et les départements des mamans. Ok, j'avais besoin de 3000 briques, là j'ai 2000 briques. Là j'ai 2000 briques. Maman Michou, voici les 2000 briques que nous avons données aujourd'hui. Et ici je vais donner aussi pour l'église. De telle sorte que vous vous mettez maintenant pour ça, c'est pour l'église qui sera complétée aussi par les finances. Alors ça signifie que après vous vous organisez pour démarrer les travaux. Maintenant, pour que les travaux ne s'arrêtent pas, j'essaie de réfléchir à haute voix avec vous. Parce que maintenant que nous démarrons, nous devons continuer et ne pas arrêter. Alors, je prends les quatre groupes ici. Qui ont donné les blocs ciment. Donc, les papas de l'éducation chrétienne, Chaque mois, chaque papa donne 25 000 francs. C'est moins de 10 dollars. Je ne sais pas c'est combien. Je réfléchis comme ça. Donc, vous nous aidez à faire le recouvrement. Et chaque mois, me donner la contribution des papas d'éducation chrétienne. Les mamans d'éducation chrétienne aussi. Chaque mois, 25 000 francs par maman. Les mamans de l'église. Aussi, chaque mois, 25 000 francs. Les papas de l'église. Donc, le pasteur, les anciens. Président, il faut suivre tout le monde. Nous tous, nous sommes papas. 25 000 francs par personne. Et comme ça, nous aurons au moins les quatre groupes. Et vous me donnez à moi. Je transférerai aux finances. Et les finances vont transférer à Maman Michou, à la commission. Donc, nous nous donnons que chaque, le premier, donc vous terminez le 30, le premier, vous me donnez pour que je donne, pour que les travaux ne s'arrêtent pas. Alors, l'Église, j'aimerais qu'on prie pour ces personnes. L'Église nous fait compte, nous allons bâtir un temple. Il y a ce que je n'ai pas voulu qu'on fasse. Et peut-être que moi, je ferai de faire part dans l'église. Je ne ferai pas de faire part en dehors de l'église. Parce que je veux que nous, les enfants de cette église, nous bâtissions cette église-là. Là, aujourd'hui, on a eu 2000 briques. Mais Dieu peut vous mettre à cœur de nous donner 500, 1000 briques, autant de sacs de ciment. Donc, nous avons besoin de sacs de ciment, de sable, de gravier, tout ce qui peut nous aider. En tout cas, je sais que Dieu m'a écouté. Et que Dieu va toucher les uns les autres. Et Dieu continue à bénir ceux qui vont d'un bon cœur participer à ce travail de construction. Nous sommes une grande église avec beaucoup de défis. Mais nous sommes en mesure de prendre en charge tous ces défis. Donc à partir d'aujourd'hui, il y a 50 jours qui nous séparent de la Pentecôte. Nous aurons un moment de prière les 10 derniers jours qu'on appellera chambre haute pour nous introduire jusqu'à la Pentecôte. Mais déjà demain, nous commençons la construction. Alors, levons nos mains vers nos bien-aimés. Prions pour eux pour que Dieu puisse leur donner la sagesse et l'intelligence. Prions. Seigneur, nous te confions. Tes serviteurs. Seigneur, généralement ce que tu nous demandes, c'est plus que ce que nous pouvons faire. C'est au-delà de nos capacités. Mais je te fais confiance. Parce que tu ne peux pas demander à l'homme ce que l'homme peut faire lui-même. Tu demandes toujours à l'homme ce qu'il ne peut pas faire pour que toi tu interviennes et que cet homme réalise que ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est Dieu. C'est pourquoi je recommande tes serviteurs. Aujourd'hui, bénis-les. Veille sur leur vie. Veille sur leurs finances. Donne-leur l'intelligence pour les opérations qu'ils vont faire. Que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu, vous pouvez rentrer à leur place, à votre place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et je sens dans mon cœur, si vous pouvez être partenaire à ce travail, en dehors des groupes que nous avons dit, et que vous pensez que vous pouvez chaque fois donner une contribution spéciale, venez me voir. Dites, papa, moi je veux être partenaire avec Dieu dans ce travail. Dans Nahum, il y a un verset qui dit, les briques du temple reconnaîtront certaines personnes et parleront devant le Seigneur. Alléluia. Amina. Donc j'aimerais que ça soit aussi, que tu sois présent dans l'église, même si tu es absent. Si tu peux faire un vœu personnel avec Dieu par rapport à ce travail, fais-le. Et que le Seigneur puisse t'assister. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous nous tenons debout. Tu salues celui qui est à côté de toi. Tu lui dis que ta pierre a été roulée. Tu lui dis que ta pierre a été roulée. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Tu entreras désormais. Tu verras ta bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Baba, accepte. Parce que tu es fidèle. Merci pour ce que tu fais. Bénis ton peuple. Que ta grâce soit au milieu de nous. Nous t'élèvons en cette journée de Pâques. Nous bénissons ton amour pour nous. Au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Merci parce que tu nous as dit aujourd'hui. Pour nous, la pierre a été roulée. Nous allons chanter des accès nouveaux pour témoigner ta fidélité. Bénis ton peuple. Bénis l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Tu dis bonne fête à deux, trois personnes de la chorale. Merci.